Alors, cours d'écoute anthropologique du 12 décembre 2015, c'est Christian Roy qui parle. Oui, donc pour ce cours-ci, je vais être faire vraiment un exercice de ma spécialité qui est l'histoire intellectuelle. Donc, ça va être beaucoup de faits précis, de contextes social et historique liés ensemble. Pour d'autres cours, ça va être un peu plus théorique, mais ici, c'est faire ce que les philosophes détestent chez les historiens des idées, c'est-à-dire situer socialement chez des êtres humains en particulier, avec leur psychologie, leur contexte social et politique, la genèse des idées qu'on peut avoir tendance à voir comme descendant de l'empiré des livres et des bibliothèques et tout ça, là. Mais c'est bon de au fond. Donc ce cours aujourd'hui, donc ça va donc sur la Vienne de Freud, et je vais me baser comme d'autres années sur un article génial d'un livre exemplaire, je crois, de ma discipline, Fin du siècle, Vienna, Politics and Culture, de Karl Schorske, l'historien des idées américain. Je me centrais surtout sur son essai sur la genèse, le contexte du livre de Freud sur l'interprétation des rêves au tournant du 20e siècle, avec des liens avec le développement politique et artistique à la même époque, et puis aussi. Dans l'idée de montrer ce que c'était que cet empire austro-hongrois, dont Vienne était la capitale, qui est né en 1867 d'une sorte de révolution libérale, en quelque sorte, d'une mutation qui en a fait quelque chose d'un peu comme l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire une sorte de bastion de libéralisme ou d'une forme classique du progressisme issu des Lumières. Sauf que justement, à l'époque où Freud écrit, politiquement, ça, ils ont ce système-là a comme frappé un mur. Et donc, il est comme en crise politique continuelle. Et donc, il y a une sorte de remise en question de toutes parts. Des présupposés et des pratiques de la modernité prise comme une évidence de progrès qui ne peut que se déployer au fil de l'histoire, bon, selon un scénario préétabli. Il apparaît à ce moment-là que les choses sont vraiment pas aussi simples que ça. Et en fait, la genèse de la psychanalyse est intimement liée à cette réalisation qui se fait jour à Vienne, et qui en fait une sorte de laboratoire de notre modernité avancée ou de postmodernité, ou enfin de tout ça, ça commence à se problématiser et dans un bouillon de culture qui est Vienne au tournant du siècle dernier. Et donc l'analyse que fait Schorske, donc dont la clé pour y donner accès, donc c'est l'arrière-plan politique refoulé, plus ou moins refoulé et pourtant relativement transparent de la rédaction de l'interprétation des rêves par Freud. Donc, pour commencer, là, en gros, la trame de cet article. En fait, je vais commencer. Donc, l'interprétation des rêves est parue en 1900 et Freud avait même tenu à même retarder un peu la publication pour que ça marque qui est l'année symbolique 1900, soit le début d'une certaine façon que ça s'accorde avec le nouveau siècle. Et ça, c'est dans le contexte de ces professionnels d'un blocage très frustrant dans sa carrière. Donc, normalement, pour un médecin, ça prenait peut-être environ 8 ans pour avoir une chaire de professeur. Et lui, il aura mis 17 ans. Et c'est seulement en 1902 que ses efforts ou sa patience, enfin, va être récompensé. À ce moment-là, il écrit, je crois, à Fliess, dans des termes. Il présente ça un peu il présente sa nouvelle promotion en termes de blagues, au contenu politique, bon, comme si l'interprétation des rêves était confirmée par le Conseil des ministres et que la nécessité de la thérapie psychanalytique de l'hystérie avait été approuvée par une majorité des deux tiers au Parlement, etc., etc. Donc, une sorte de fantasme où l'autorité politique s'incline devant la primauté de l'éros et des rêves. Bon, culturellement, il y avait du vrai là-dedans, et même dans la politique culturelle, mais dans la politique en général, parlementaire, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. En fait, des majorités, même de 50%, ça faisait déjà 3-4 ans que ça n'existait plus, et qu'il n'y en aurait plus jamais dans le Parlement autrichien, qui est dans une situation de blocage entre les différentes minorités et factions. Et donc, c'était l'échec de la démocratie parlementaire et du libéralisme en général. Et selon la propre théorie de Freud, au fond, il écrivait d'ailleurs à cette époque-là, donc en 1902, à propos du sens caché des plaisanteries. Il disait, bon, là où il y a une plaisanterie, il y a un problème et peut-être sa solution. Ben, dans cette plaisanterie-là de Freud, il y a déjà un indice d'une problématique sous-jacente, là, que il parle, en fait, il semble traiter la politique comme quelque chose, une sorte de blague, mais c'est précisément parce que c'est quelque chose qui avait beaucoup compté sur lui et dont il a fait, son deuil et en fait, dans l'interprétation des rêves, la matière de ça, c'est en grande partie ses propres rêves, et il est assez clair que c'est une sorte de travail de deuil de ces idéaux politiques de jeunesse qui se fait jour là-dedans. Donc, en fait, son rapport à tout le système politique. Et qui en fait fait apparaître les origines de la psychanalyse comme une sorte de tentative d'une contre-politique ou d'une anti-politique, une sorte d'issue à une problématique politique bloquée. En fait, donc c'est au chapitre 5, l'interprétation des rêves, qui situe ses ambitions dans le contexte de son enfance, en interprétant ses propres rêves, comme la matière de ses rêves. Et le contexte de son enfance auquel Freud a retrouvé accès dans son auto-analyse, c'était celle du libéralisme nouvellement triomphant dans l'Autriche des années 1860. Il se rappelait de l'enthousiasme de son père pour le nouveau ministère libéral de 1867, donc l'année où l'Empire des Habsbourg s'est muté en Autriche-Hongrie, donc est devenu. Bonjour. Il disait que dans sa famille, ils avaient comme illuminé la maison en l'honneur du nouveau ministère libéral. Donc c'était vraiment un triomphe pour cette bourgeoisie juive libérale cultivée. Une époque où tous les espoirs semblaient permis pour les jeunes de ce milieu-là. Ce qu'on appelait le Bürger Ministerium, le ministère des citoyens. Donc les plus hauts postes, la vie politique et autres semblaient s'ouvrir aux simples citoyens, étaient plus réservés à l'aristocratie traditionnelle de sang. Donc c'est dans ce contexte de libéralisme confiant du milieu du 19e siècle que Freud a acquis ses convictions, ses valeurs politiques qu'il va conserver toute sa vie. Devient très tôt une sorte d'admirateur de Napoléon dans son rôle historique de conquérant de l'Europe centrale arriérée, avec un dédain pour la royauté et l'aristocratie. Donc même en 1873, au lycée, Freud avait fièrement refusé de lever sa casquette pour l'empereur. Il a toujours eu une profonde admiration pour l'Angleterre, mais en particulier pour le régime du révolutionnaire puritain et régicide Oliver Cromwell, il a même donné à un de ses fils le nom d'Oliver. C'est un petit peu ironique quand on considère Freud comme le libérateur des instincts de la sexualité, qu'en fait son grand héros politique c'était un puritain. Et puis aussi donc une hostilité constante pour Rome, au sens au sens Rome à quoi il identifiait tant, auquel il identifiait au fond l'Empire des Habsbourg comme union du trône et de l'autel, et l'autel catholique en l'occurrence. Donc c'est l'Église catholique dont on pouvait s'autoriser pour persécuter les Juifs. Et puis, à cet égard-là, il avait un souvenir, quelque chose que lui avait relaté son père dès son enfance, là, que des chrétiens l'avaient comme bousculé et humilié, puis que et le jeune Zygmunt était comme un peu scandalisé que son père n'ait pas réagi de façon vigoureuse à cela, qu'il ait comme souffert en silence. Et donc il a comme conçu une sorte de contre-idéal héroïque. À même ses lectures classiques, là, il s'est mis à idéaliser Hannibal, donc le chef militaire sémite, donc venu de Carthage, qui avait défié Rome. Qui avait failli, qui était venu très près de la vaincre en faisant comme Napoléon le fera plus tard, en passant par les Alpes pour s'en prendre à Rome. Donc il y avait tout un complexe compensatoire dans son esprit, Hannibal, Napoléon, pour s'en prendre à Rome, impériale et ecclésiastique, et dans l'idée de venger, son père, ou en fait, d'être meilleur que de meilleur que son père dans le défi de cette oppression. Donc, dans l'idée de se venger des Romains, quoi, comme Hannibal, comme une sorte de le serment d'Hannibal. C'est quelque chose qui a comme émergé comme quelque chose d'important pour lui dans son auto-analyse. C'est une particularité de Freud. Donc, lui, il était à une époque où, en fait, dans une génération où les esprits créateurs dans la culture ou même en politique étaient souvent dans une révolte contre leur père, donc contre le libéralisme confiant du milieu du 19e siècle. Souvent, ils passaient à autre chose, dans une sorte de rejet, qu'on pourrait dire, édipien de ce qui avait compté pour leur père. Freud, c'est pas tout à fait la même chose. Il reprend les valeurs du père, mais contre lui, en quelque sorte, pour venger les idées du père contre les figures paternelles effectivement existantes. Donc, c'est en restant libéral dans ses valeurs, mais en les faisant passer dans un autre domaine, donc en dehors de la politique, en quelque sorte, comme on le verra. Mais dans l'idée, au fond, dans l'idée de réaliser, au fond, l'idéal libéral, mais sur un autre plan que la politique, c'est-à-dire celui de la science, qui était la grande valeur, une des grandes valeurs de bourgeoisie libérale autrichienne, donc les progrès de la science. Qui allait de toute façon transformer graduellement la société dans le sens des Lumières. Oui, et dans le sens aussi des idéaux révolutionnaires de 1848, et c'est un thème qui revient, qui est thématisé explicitement dans un des rêves qu'il analyse, l'appelle le rêve révolutionnaire, donc qui est daté en 1898, qui est l'année qui commémore l'avènement de François-Joseph, mais en même temps la même année que la révolution de 1848. Donc, c'était quelque chose qui était c'est une association d'idées qui était dans l'air du temps à ce moment-là. Donc, les circonstances, c'est que, enfin, la circonstance de concrète à laquelle Freud relie ce qu'il va décrire comme le rêve révolutionnaire. C'est un incident à la gare de l'Ouest de Vienne où, quand il a croisé je crois que c'était le premier ministre de l'époque, le comte Franz Thun, qui représentait en fait tout ce que Freud détestait, une sorte de grand seigneur aristocratique qui Bon, en fait, il était pressé d'aller à la résidence d'été de l'empereur à Bad Ischl parce que s'il y avait une crise politique dont il devait s'occuper, c'est-à-dire la renégociation des rapports fiscaux et économiques entre les deux moitiés de l'empire, la partie autrichienne et le royaume de Hongrie. C'est une sorte en fait de souveraineté association. Ou dans les termes, au point de vue économique, devait être négocié, renégocié à certains intervalles. Puis en plus, une crise politique importante où, du côté autrichien, l'élément allemand, l'élément tchèque était rivalisaient de nationalisme intransigeant. Donc, était déjà en plein blocage parlementaire, dans ce contexte-là, que il voit le comte Thun pressé de prendre son train, et puis bon, l'employé des chemins de fer lui demande son billet, puis bon, il fait une sorte de geste comme ça, dédaigneux, puis bon, comme si ça s'appliquait pas à lui. Et bon, Freud, ce genre de choses qui le hérissait, et puis s'était mis à siffloter un air du mariage de Figaro, là, de défi aux autorités. Et donc, et le rêve, donc, qui rattache à ça, c'est en fait, il m'enseigne le même conte Thun, ou un de ses prédécesseurs, dans un auditorium d'université, puis qui se moque des nationalistes allemands ou germanophones, enfin, dans lequel, à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, le libéralisme s'identifie encore au nationalisme pan-germanique. Et donc Freud est insulté et il fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait dans la vraie vie. Il se lève et il répond avec indignation. Et bon, il les reconnaît parmi ses condisciples, certains en fait, vont ça, c'est dans une école de médecine, donc certains qui vont faire de brillantes carrières politiques, dont Victor Adler, un leader de la social-démocratie. Donc lui-même, donc, avait été tenté par la politique, mais en choisissant la médecine, avait cru que c'était incompatible avec la politique. Et ces gens-là, en fait, ses condisciples montrent qu'en fait, c'était possible de faire la politique avec une formation médicale. Donc c'est son propre renoncement à la politique qui est comme mise en scène. Parce qu'à ce moment-là, dans son rêve, finalement, il quitte cette scène de confrontation et passe à travers les salles de l'université. Bon, jusqu'à un autre épisode dans la gare, donc toujours dans son rêve. Donc, comme dit Chorske, sa situation actuelle, donc au tournant du siècle d'impuissance politique, de ressentiment, dominait donc son fantasme éveillé. Mais dans le rêve, il avait comme défoulé sa défiance envers le comte Thun, son engagement pour l'engagement de sa jeunesse pour un activisme politique anti-autoritaire, qui est en même temps sa dette non payée envers son père et ses valeurs. Et bon, c'est quelque chose qu'elle n'allait pas de soi de mettre explicitement ça dans son livre sur l'interprétation des rêves, alors qu'au moment qu'il était en train de l'écrire, ben le comte Thun était encore le premier ministre. Donc, de mettre en scène ses aspirations comme révolutionnaire, bon, alors que dans ce contexte-là, c'était déjà d'une certaine façon, c'est déjà en quelque sorte un acte politique, mais en même temps désamorcé par la prétention scientifique de détachement par rapport à lui-même comme sujet, où précisément, en fait, il dépolitise ce qui est un contenu manifeste politique en le ramenant à une affaire entre lui et son père. Donc, et la conclusion de Chorske, au fond, c'est que, en fait, ce que ça révèle, c'est que le parricide remplace la politique dans l'interprétation de que fait Freud de son propre rêve. Bon, en fait. Et le parricide remplace le régicide, en fait, là où il y a un contenu explicite de rébellion contre l'autorité politique traditionnelle. Il en fait ça une affaire entre lui et son père, dont, en fait, où les rôles sont renversés. Bon, le dernier épisode du rêve révolutionnaire, c'est que il est à la gare, il est allé à la gare et là il retrouve son père et son père est comme impotent, il est incapable d'uriner, alors c'est lui qui doit l'aider à uriner, puis il doit faire ça un peu devant tout le monde avec la collusion justement de l'employé des chemins de fer qui prend les billets. Donc on voit qu'il a retravaillé l'épisode avec le contour comme quelque chose avec son père et qui renverse les positions où son père, en fait, je pense, à propos d'une histoire, comme petit garçon, il y avait une histoire de faire pipi dans des mauvaises circonstances et son père lui dit, ah, tu seras un bon à rien, tout ça. Donc il y avait comme une sorte de complexe à ce niveau-là. Donc, il reprend le thème du pipi, puis c'est le père qui a des problèmes de ce côté-là, et pour lui, c'est une allusion à l'impuissance, ou en tout cas, et c'est à ce moment-là, c'est Freud, lui, qui a le pouvoir, qui le prend, et qui est en position d'exercer ce que, au fond, son père était comme trop faible pour se défendre contre l'oppression politique, notamment antisémite, qui l'entourait, et c'est lui qui est dans la position de prendre le relais. Donc Freud interprète ça dans une clé édipienne, en quelque sorte, là, où le garçon remplace le fils. Et bon, et alors que, évidemment, Édipe, au départ, c'est un mythe. Comme Nietzsche l'avait déjà souligné, c'est Édipe roi, hein? C'est sur la fonction sociale du roi et son remplacement par la communauté. C'est pas d'abord une affaire entre fils et père. Et c'est précisément ça, la grande transformation qu'opère Freud, c'est de prendre ce mythe politique qui d'en faire une affaire privée entre père et fils. Et ça correspond en fait à la situation d'impuissance du libéralisme qu'il est en train de vivre et qu'il compense par cette transposition dans le registre privé. Qui est en fait une autre façon, comme j'ai fait allusion, pour le libéralisme de triompher, mais sur un autre plan, celui de la science, parce que quand, au début de la domination politique des libéraux, dans les années 1860, le politicien libéral von Schmerling, qui avait lancé qui pourrait être une sorte de slogan des libéraux qui ont repris le système tel qu'il était. Ils se sont contentés d'exercer le pouvoir dans le cadre parlementaire, donc bon, sans chercher à toucher à la monarchie aux structures de l'État comme tel. Et donc, le comte von Schmerling avait dit. Wir können warten, wir sind marktfrei. Donc, nous pouvons attendre, le savoir rend libre. Hein? Donc, c'est par l'éducation à long terme, simplement le progrès d'une culture scientifique dégagée du cléricalisme, des préjugés, etc. Bon, caractérisé par l'objectivité scientifique. Et détaché des données traditionnelles. Simplement, le simple fait du développement de ça, d'une économie de marché, bon, d'un état administratif moderne, tout ça allait faire le travail d'une révolution, mais de façon tranquille. Et changer les choses graduellement selon le rythme. De longue durée de l'histoire qui menait inévitablement au progrès, à l'accomplissement des idéaux des Lumières. Donc ça, c'était comme le programme, en quelque sorte, du libéralisme autrichien. Et dont un des symboles, c'était l'université. Donc un des thèmes Ma visite à Vienne cette année, c'est que ça se trouvait être le 150e anniversaire de la Ringstrasse, c'est-à-dire sous une sorte de boulevard périphérique qui a été créé donc au milieu du 19e siècle à l'espace laissé par les anciennes fortifications de Vienne. Et ça correspondait disons, à la montée au pouvoir de la nouvelle bourgeoisie libérale. Qui en a créé son, qui a donné en fait à Vienne son visage actuel en créant toutes sortes d'institutions publiques de prestige tout au long de ce nouveau boulevard, hein. Donc la vieille Vienne, bon, c'est celui des palais aristocratiques ou épiscopaux, etc. Et la nouvelle Vienne officielle de l'État moderne bourgeois, c'est celui des grandes institutions publiques et des grands boulevards dégagés, centrés sur le transport. Donc, et le premier, donc, et sur les grandes institutions civiques, donc un nouveau parlement, un nouvel hôtel de ville. D'ailleurs, parce que le gouvernement municipal avait disparu pendant 3 siècles, il venait d'être rétabli, donc on sortait de l'absolutisme. Et puis surtout l'université, le symbole de la science, qui était qui est conçue dans une architecture renaissance, néo-renaissance, pour symboliser tout ça, ce triomphe de la raison sur l'obscurantisme médiéval et tout ça. Donc il y a tout un programme inscrit dans ce visage de Vienne nous semble intemporel, bon, qu'on peut associer à une sorte d'empire millénaire, etc. Mais en fait, c'est la manifestation en fait, du libéralisme bourgeois triomphant. Qui se manifeste surtout sous des formes historicistes, en fait, qui empruntent à des modèles classiques. Pour plaquer ça sur des fonctions souvent utilitaires, mais en les cachant. Donc, à la fois, il y a une sorte de présupposé utilitariste de la nouvelle économie de l'administration publique, mais en même temps, le langage formel, c'est comme les symboles passés de la raison dans lequel la bourgeoisie voit ses sans descendants, donc le monde antique et puis la Renaissance qui le fait revivre. Donc c'est ça le style caractéristique de la. En fait, on appelait ça même le style Ringstrasse, et c'est contre ça délibérément que la génération des grands novateurs en urbanisme, en architecture, en design se sont révoltés à l'époque de Freud. Et c'est ce que. Donc, quand le rêve révolutionnaire de Freud se passe dans le cadre de l'université, c'est avec tout cet arrière-plan que c'est le monde de triomphe du libéralisme par la science comme projet à long terme de transformation de la civilisation. Et au fond, c'est sur ce plan-là que Freud investit ses espoirs libéraux, celui de la science opposé à celui de la politique. Et c'est quelque chose qui est comme. À quoi il trouve une justification dans cette théorie, son interprétation de ses propres rêves, où transparaît pourtant nettement un programme politique, mais lui va prétendre une sorte d'apolitisme ou de distance scientifique détachée par rapport à ça, alors qu'en fait c'est une compensation sur l'impasse du libéralisme politique, mais dans l'idée d'une compensation par la science. Qui amène l'espoir d'intégrer même ce qui est obscur dans la psyché, en quelque sorte, et commence à se faire jour dans tous les domaines de la culture. Donc, oui, et le la L'épigraphe, en quelque sorte, la citation au début du livre L'interprétation des rêves, et comme. Elle est très. Il est très révélateur pour Freud, et puis c'est presque aussi un symbole de son moment historique à Vienne. Je vais faire le lien vers la fin avec ses équivalents artistiques, mais en fait, cette devise qu'il prend au début d'interprétation des rêves, auquel il fait allusion même dans le livre, est emprunté à l'Énéide de Virgile. Donc en latin, c'est flectere sine quo superos acheronta movebo. C'est-à-dire, si je ne peux pas faire plier les puissances supérieures, je vais déchaîner celles de l'enfer, donc du monde inférieur. Donc, puisqu'il ne peut pas faire. Donc, le monde supérieur, celui de Jupiter, bon, en fait, le monde impérial, en quelque sorte. Et si on peut pas y entrer par la grande porte politique et diurne, ben on a toujours le moyen de pression, ou en tout cas le domaine il y a un autre empire qui permet ou un autre domaine qui permet d'y accéder par la porte en arrière, en quelque sorte, ou la porte d'en dessous, c'est celui de ce qui est inférieur et réprimé et caché, ces puissances pulsionnelles obscures. Qui n'ont pas leur place dans l'univers des puissances divines et politiques et tout ça. Donc c'est ça le domaine sur lequel Freud va établir son empire en quelque sorte, au fond en s'en érigeant comme le régulateur en quelque sorte. Il montre dans quelles conditions ces puissances-là peuvent devenir dangereuses et se déchaîner, puis au fond c'est lui qui a les clés de ce vrai pouvoir-là, celui des puissances inférieures. Hein. Donc c'est la revanche des idéaux du libéralisme dans le domaine de la science, d'avoir au moins ce pouvoir-là si le pouvoir politique lui échappe. Hein. C'est un peu ça le fin mot de l'histoire. Donc en fait, donc pour revenir au contexte, parce que c'est pas sans importance, donc qui est-ce qui dit ça dans l'Énéide? C'est Junon, justement, la déesse qui défend Didon, la reine de Carthage. Hein, Carthage, donc le futur royaume d'Hannibal, donc l'ennemi traditionnel de Rome. Bon, l'inimitié donc entre Carthage et Rome est comme mise en scène par Virgile, là, parce que Énée, le fondateur de Rome, qui vient de Troie avant de fonder Rome, donc il s'arrête à Carthage, il séduit la reine Didon, puis pour remplir sa mission d'amener son peuple sur sa nouvelle terre promise, il doit abandonner Didon, puis on connaît l'histoire, elle se crée son propre bûcher, bon, et puis elle se suicide comme ça. Bon, je ne sais pas à quel moment précis de cet épisode-là l'invocation de en fait la malédiction de Junon s'inscrit, mais en fait c'est donc symptomatique que c'est comme dans le contexte, une revanche d'une puissance sémite contre Rome. Donc, et aussi, parce qu'au fond, ce qu'invoque Junon, c'est une furie sortie des enfers, Alecto, une sorte de femme phallique bisexuelle qui déchaîne les passions sexuelle et l'agression militaire dans le camp d'Énée, donc des ancêtres des Romains. Donc c'est quelque chose sexualité et agression militaire déchaînée, c'est quelque chose qui est très proche évidemment des contenus de l'art d'avant-garde de l'époque à Vienne, et qui bientôt va même trouver une sorte de transposition concrète avec la Grande Guerre. Donc c'est d'invoquer ça comme programme, comme épigramme ou épigraphe de l'interprétation des rêves, c'est tout un programme en quelque sorte. Et en fait, dans sa correspondance, Freud semble indiquer l'arrière-plan politique de cet épigramme. Parce que, en fait, c'est l'épigraphe, je veux dire, parce que la même devise tirée de l'Énéide se trouve dans un pamphlet politique bien connu du chef socialiste allemand Ferdinand Lassalle, publié en 1859, donc sur la guerre italienne et la tâche de la Prusse. Et donc, à l'époque, la rédaction de l'interprétation des rêves, Freud a écrit à Fliess, bon, qu'il a choisi cette devise. Bon, si je ne peux pas faire plier les supérieurs, je vais déchaîner les enfers. Et dans la même lettre, il dit qu'il amène le Lassalle pour le lire en vacances. On ne précise pas quel livre, mais clairement, il y a l'association entre l'opuscule politique, le pamphlet politique de Lassalle et la devise, et sa fameuse devise, elle est là. Donc il y a un contenu, au moins inconsciemment, la dimension politique de sa devise, et il l'a quelque part à l'esprit. Donc le contexte de ce pamphlet, bien sûr, c'est que Lassalle dit que si la Prusse ne soutient pas le mouvement national de révolte italienne contre l'Autriche, il peut déchaîner lui-même la révolution de la nation allemande contre les gouvernements établis. Donc il y a cette idée les puissances nationales ou celles des classes bourgeoises et populaires contre l'univers dynastique établi, et comme une menace que Freud peut reprendre à son compte pour la transposer dans le domaine psychologique. Et d'autant plus que, ouais, c'est ça pour le libéralisme autrichien, bien sûr. Bon, le nationalisme italien et même hongrois était perçu au milieu du enfin au 19e siècle comme des alliés. Et dans ses rêves, Freud donne à son père la figure de Garibaldi. Bon, d'autre façon, il l'associe à la Hongrie. Donc, c'est tout un complexe où il y a aussi la dimension paternelle qui vient se joindre à leur revendication, aux revendications nationales libérales contre l'ordre établi de l'Empire. Et en plus, dans un des rêves, enfin le rêve intitulé Autodidasker, il est explicitement question de Ferdinand Lassalle et d'un autre politicien juif allemand, Edward Lasker, mais qui ne présente même pas comme des politiciens, mais comme des hommes de talent dont la vie ou la carrière était ruinée par des femmes, donc par le sexe. Donc, alors qu'il met en scène des politiciens contestataires progressistes, dont il est et juif en plus, dont il est proche à bien des égards, ce qui l'intéresse, c'est la dimension sexuelle. C'est comme s'il faisait passer, encore une fois, le contenu politique explicite dans un autre registre, dans le registre sexuel. Donc, en passant sous silence, c'est les implications subversives que l'évocation des forces infernales pouvait avoir si on les rattache à ces politiciens. Donc, dans sa conclusion, Schorske dit qu'ayant exhumé son propre passé politique par l'analyse de ses rêves, Freud l'avait surpassé en identifiant ses obligations politiques et ses impulsions avec son père, enfin, en donnant une explication comme des attributs du fantôme de son père. Donc, Donc, comme je l'ai dit, donc quelque chose entre lui et sa figure paternelle, donc ça, et plutôt qu'avec la société politique. Donc à la fin, donc je vais encore revenir sur l'aspect romain de tout ce complexe de fantasmes politico-sexuels. Donc il y a tout le symbole, le rôle de Rome là-dedans. Et concrètement, que Freud était conscient, je crois, de son. De ses, il avait une sorte de rapport ambivalent envers la Rome, la ville de Rome. Il est allé quoi, comme 5 fois en Italie à la fin du 19e siècle, qui n'a jamais réussi à aller jusqu'à Rome. Et pour lui, c'est une sorte d'acte manqué qui était révélateur de quelque chose. Bon, dans son esprit, c'était pas. Il y avait un certain rapport avec le fait qu'Hannibal avait jamais réussi à se rendre jusqu'à Rome. Mais par contre, il avait aussi à l'esprit un autre modèle de rapport à Rome, c'est-à-dire celui un érudit des Lumières allemandes, de Winckelmann, qui, malgré sa culture protestante, s'était comme établi à Rome pour étudier l'Antiquité classique, en comme passant par-dessus la réalité de Rome comme centre du monde catholique. En fait, donc au nom d'un savoir rationnel intemporel. Et en fait, Freud a réussi finalement à aller à Rome au prix d'une manœuvre un peu semblable. Il décrit son premier voyage, donc en 1901, à Rome, avec son malaise envers la Rome catholique, avec son mensonge de salut qui lui donnait plein de souvenirs désagréables. Mais alors que son enthousiasme sans réserve allait à la Rome de l'Antiquité, il disait, Freud, j'aurais pu vénérer l'humble reste mutilé du temple de Minerve. Donc devant Minerve et même les restes sur son temple, ça, Freud peut s'incliner. Et c'est vraiment très intéressant comme allusion, parce que, bon, d'une part, Minerve a quelque chose en commun avec la furie Alecto que Junon voulait déchaîner dans l'Énéide, c'est-à-dire c'est une autre femme bisexuelle phallique. Et surtout, Minerve, c'est un symbole du libéralisme autrichien à cette époque-là. C'est l'année suivante, en 1902, que sa statue est mise devant le Parlement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de héros libéraux ou révolutionnaires dont puissent mettre les effigies devant les institutions démocratiques en Autriche. Donc, on se réfère à des déesses antiques qu'on assimile à la raison. Et donc Minerve, et c'est vraiment très ironique de mettre la statue de Minerve devant le Parlement en 1902, alors que. Le débat rationnel n'existe plus au Parlement, qui est bloqué depuis 5 ans. Au contraire, les livrer au déchaînement des discours communautaires enragés et des politiques agressives, notamment antisémites. Au moment où la raison déserte le Parlement, on met sa statue sous la forme de Minerve devant. Et c'est tout le contexte, évidemment, où Freud écrit que les idéaux que représente Minerve deviennent impossibles sur le plan politique. Mais il peut aller s'incliner devant à Rome une fois qu'il a transposé ça sur le plan scientifique. La Minerve scientifique, ça, elle existe. C'est lui qui en possède, qui a un accès privilégié. Et ça prend la forme d'une archéologie, en quelque sorte, du savoir et de la psyché à travers l'histoire, la culture, la civilisation, alors qu'il déserte le champ politique. Et l'échec du projet libéral qui représente ironiquement donc la statue de Minerve devant le Parlement devenu impuissant. Et c'est ce qui va me permettre de faire le lien avec les transformations artistiques de l'époque, parce que au fond, en transposant ses idéaux progressistes libéraux sur le plan scientifique, il perd certains scrupules qu'il avait sur le plan de la promotion de sa carrière. Donc, en revenant de Rome précisément et de s'être incliné devant la Minerve qu'il trouve là, dans son domaine scientifique, il n'a plus les scrupules qu'il avait à faire appel au pistonnage comme moyen de promouvoir sa carrière. Donc, c'est passé par les contacts personnels qu'il finit par obtenir du ministère de la Culture sa promotion comme professeur. Et donc, en faisant appel à une patiente qui a accès donc au ministre de la Culture. Je vais vous relater un peu le détail de cette transaction comme façon de traduire au versant plus artistique de mon cours aujourd'hui. Oui, en fait, oui, donc en passant, donc on voit le Parlement, on va voir la Minerve. Vous voyez Minerve là, devant le Parlement? C'est ça que je parlais. Donc, il y avait justement un tour de tramway guidé de la Ringstrasse. Donc, c'est ça qu'on voit. Tous les monuments néoclassiques. Ça, c'est le Burgtheater, le théâtre où la vieille aristocratie, la nouvelle bourgeoisie pouvaient communier dans la culture viennoise. C'est une sorte de. Les institutions publiques le long du boulevard. Là, bon, puis évidemment, c'est très prestigieux aussi pour avoir des appartements privés, là. Là, c'est tout près de là où Freud habitait, d'ailleurs. Je pense qu'il est derrière le coin là qu'on parvient à la clinique de Freud. Oui. C'est ça. Bon, avec une plaque et tout ça. Puis en fait, on peut bien prendre une pause. C'est ça à l'intérieur. Pour monter chez lui, il y a une porte cochère. Bon, ça, c'est l'entrée de l'appartement. C'est peut-être la salle d'attente, ça. Bon. Ça, ses fils en soldat de l'armée autrichienne. Ça, c'est sa chaise faite sur mesure pour sa position de lecture, comme ça. Bon, on voit la chaise là, derrière son bureau. Avec tous ses objets, justement, sur son archéologie, là, sa passion de l'archéologie. Donc, son domaine, au fond, son domaine, c'était en quelque sorte le passé. Donc, c'était ce qui était enfoui dans le temps et dans la psyché. C'était son nouvel empire libéral, en quelque sorte, et scientifique. Bon, évidemment, sa canne, et bon, c'est Lou Salomé. Ce qui m'intéressait particulièrement en tant que bon, vieux Nietzschéen quelque part, là. C'est sûr, parce que c'est une exposition sur ses disciples féminines. Donc, il y avait des choses sur Marie Bonaparte, Mélanie Klein, Sabine Spielrein. C'est resté comme un musée. Oui, c'est ça, oui. C'est assez modeste, là. C'est des expositions thématiques surtout. Puis bon, il n'y a pas beaucoup de meubles d'origine. Les meubles, je pense, le contenu se trouve surtout à Londres. Mais bon, c'est quand même ça, l'espace. C'est ça qu'ils voyaient tous les jours, là, en descendant. Là, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris ça, là. Donc, c'est ça que, dans sa pratique quotidienne, dans sa vie quotidienne, tout ça, c'est ce qu'il avait, bon, sous les yeux, là. Bon. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est les... Bon, oui, ça, je pouvais l'arrêter. Bon, il y avait une exposition à l'université sur le cercle de Vienne, pensée exacte au bord de l'effondrement. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est bon, la naissance du positivisme logique, tout ça, qu'on peut mettre en lien avec, évidemment, les idéaux enfin, du rationalisme libéral. Ça c'est comme pris la forme d'une école philosophique en lien avec certains développements en mathématiques et même en économie. Donc, il y a eu quand même, sur le plan intellectuel, un retour de flamme du libéralisme, mais étrangement, pas directement sur le plan politique, mais sur le plan bon, la philosophie analytique, comme on la pratique dans les pays anglo-saxons, c'est né là. Le néolibéralisme économique, ça remonte à des auteurs viennois comme von Mises, von Hayek. Donc, des gens du milieu libéral autrichien qui ont créé cette espèce de ces écoles très intransigeants, très dogmatiques, qui mettent en parenthèse tout l'aspect social et communautaire du monde réel, tout le monde des passions, qui crée ces espèces d'empirées, de rationalité calculatrice, utilitaire pure. Mais au fond, c'est de ça qu'on vit aujourd'hui. Le monde officiel est dominé par ça sur le plan économique et sur le plan universitaire. Les facultés de philosophie anglo-saxonne vivent des réflexions du cercle de Vienne. Et en même temps, et d'un autre côté, le pendant de ça, c'est évidemment tout le surgissement de l'inconscient chez les artistes, comme Klimt ici. C'est la frise Beethoven dans l'édifice de la Sécession, le grand mouvement d'avant-garde du tournant du siècle. Et justement, ça introduit, voyez, bon, le style qui montre ces espèces de force vitale, fluide, qui venue des profondeurs troubles, qui envahissent comme des plantes, etc. En fait, c'est le contenu réel de l'inconscient, en quelque sorte, qui se transpose ouvertement dans le monde artistique, sans avoir besoin d'être très théorisé, là, ou encore moins avec une posture soi-disant scientifique, mais à bien des égards, ça devance certaines conclusions à laquelle Freud va arriver une ou deux décennies plus tard. C'est déjà là sur le plan artistique, là, on a un chi, là. Il y avait une exposition d'ailleurs sur au Palais Belvédère sur Klimt, Schiele, Kokoschka et les femmes. Donc là aussi, la thématique des femmes au musée Freud et celle du côté des artistes, ça m'a permis d'avoir une unité thématique, en quelque sorte, dans ma visite d'un jour. Ça, c'est l'intérieur du Burgtheater. Ça, c'est Bon, j'y reviendrai là-dessus un prochain tour, parce que en fait, il y a quelque chose de très parallèle aux ennuis de Freud avec l'université qu'on retrouve en fait chez Klimt avec ses propres projets de fresques pour l'université qu'on voit là et qui ont été qui ont, bon en fait c'est là c'est, il y a un parallèle très intéressant avec Freud qu'on peut s'établir, mais bon, je commence par Freud et puis je vais introduire donc à ce contexte culturel, artistique de Vienne, qui fait comme écho un peu à tout ce que je viens de dire. Donc, pour obtenir sa promotion comme professeur à l'université, Freud a fait appel à la baronne Marie Ferstel, qui était en fait la bru de Heinrich Ferstel, l'architecte de la nouvelle université de Vienne, avec son style néo-renaissance, qui, symbolisant le rationalisme. Donc, elle a approché le ministre de la Culture, von Hartel, de la part de Freud, en négociant le don d'une peinture pour le nouveau musée d'art moderne auquel il tenait beaucoup, en échange de la promotion de Freud. C'était pas pour un Klimt, mais c'était on avait pensé d'abord à un Böcklin, c'est d'une génération précédente, mais en fait ça a été comme un autre membre de la sécession viennoise, Émile Orlik, d'une aile plus conservatrice. Mais quand même, il y a des rapports indirects avec Klimt de ce côté-là. Donc c'est au prix d'un tableau sécessionniste d'avant-garde que Freud a obtenu sa promotion comme professeur. Donc grâce finalement au progrès artistique, culturel qui faisait son chemin à Vienne, non sans résistance parfois, à la même époque, que Freud a pu déboucher finalement sur le plan professionnel. Donc en 1902. Donc quel est le contexte, quel est le contexte en fait de ça dans la politique culturelle de l'Empire? Parce que comment ça se fait que qu'est-ce qui permettait de surmonter la résistance à la nomination de Freud, notamment parce que en dépit du climat antisémite, c'était justement une contribution au positionnement de l'Empire par rapport à l'avant-garde artistique. Et justement, ça a quelque chose à voir avec le fait qu'on se rappelle, la Vienne fin de siècle, la Vienne de la Belle Époque, comme une sorte d'âge d'or culturel qu'on peut évoquer avec nostalgie. Comment ça se fait que cet empire qui pouvait paraître politiquement arriéré ou en tout cas ou dans une impasse, en même temps a pu paraître promouvoir l'art vraiment d'avant-garde à l'échelle européenne? Comment ça se fait ça? C'est lié directement en fait au contexte d'impasse politique du parlementarisme. Parce que l'art moderne a trouvé la faveur officielle juste au moment où le gouvernement parlementaire moderne est en train de s'effondrer dans l'impuissance. De 1897 à 1900, le problème de nationalité, avec ses conflits sur les droits linguistiques dans l'administration et l'éducation, avait pratiquement paralysé le gouvernement. L'obstructionnisme parlementaire mené par mené tour à tour par les Tchèques et les germanophones avait finalement rendu impossible la constitution de ministères à partir de représentants des partis. Donc la monarchie, qui avait commencé son ère constitutionnelle en 1867 avec le Bürgerministerium, le ministère des citoyens, l'a suspendu en 1900 avec un Beamten Ministerium, un ministère des bureaucrates. Donc c'est comme ça que le gouvernement austro-hongrois a fini avec des gouvernements de bureaucrates en quelque sorte. Donc le libéralisme autrichien est donc retourné à sa tradition du 18e siècle d'absolutisme éclairé et de gouvernement bureaucratique. La formation du Beamten Ministerium de 1900 a été confiée à un haut fonctionnaire éclairé et compétent, le docteur Ernest von Kurber, qui était déterminé à transcender la substance politique décidément dissonante de l'Autriche et de et de gouverner le pays par décret aussi longtemps qu'il serait nécessaire. La stratégie à long terme de Kerber, c'était de contourner les tensions politiques par une campagne de modernisation sur deux plans, dans le domaine de l'économie d'un côté et de l'autre, dans celui de la culture. Du côté de l'économie, avec un ministère, ministre des Finances, Eugen Böhm-Bawer, qui était lié à l'école de Vienne en économie libérale. Et sur le plan de la culture, avec un conseil des arts créé en 1899 qui impliquait des artistes avancés ou d'avant-garde dans la promotion de la culture et pour donner une place à la culture actuelle dans les commandes de l'État, les nouvelles constructions, jusqu'au design des timbres. On commençait à ressentir l'influence de la sécession artistique. La sécession est presque, dans ses formes moins dérangeantes, est devenue comme une sorte de style officiel de l'Empire austro-hongrois dans ces dernières années. Et comment comprendre ça? C'est que les artistes étaient le seul élément vraiment cosmopolite qui restait avec la bureaucratie et les classes supérieures viennoises. À un moment où les groupes nationalistes développaient des vies artistiques séparées sur une base ethnique, la sécession avait pris le chemin opposé en ouvrant délibérément l'Autriche au courant européen. Elle avait réaffirmé dans un esprit moderne l'universalisme traditionnel de l'Empire. Hein? Donc c'est par le cosmopolitisme de l'avant-garde qu'on pouvait en quelque sorte prendre le relais de l'universalisme, mettons, catholique ou dynastique, qui avait été à la base de l'Empire. Donc c'est en misant sur, misant en quelque sorte sur la culture d'avant-garde comme substitut des fidélités traditionnelles, en quelque sorte. Alors que les mouvements modernes d'affirmation de nation ou de classe rendaient la vie politique ingouvernable, le pari, c'était que par la culture cosmopolite d'avant-garde, on pouvait comme peut-être compenser ça et garder une sorte d'esprit commun au-delà des blocages institutionnels sur le plan politique. Donc, c'est ça. Donc, l'idée du potentiel des arts pour transcender le conflit des nationalités. Est venue la situation ironique, tandis que la plupart des gouvernements européens étaient très réservés, voire hostiles à l'art moderne, la très ancienne monarchie des Habsbourg faisait activement la promotion de l'art moderne. Néanmoins, comme stratégie, sur le plan politique, ça n'a pas marché aussi bien que prévu. Et Klimt en a fait les frais, en fait. Parce que le langage de l'art nouveau, loin d'adoucir les antagonismes de la société, en fait, a jeté de l'huile sur le feu. Parce que précisément, les nouveaux mouvements populistes, comme les chrétiens sociaux, antisémites, trouvaient que on essaie d'imposer au peuple quelque chose qui était étranger, qui le révoltait et qui l'associait un élément juif suspect dans des termes très crus. En fait, pour Klimt, est-ce qu'il y a moyen de sortir du diaporama pour pointer des photos particulières? Bon, je peux me déplacer là-dedans. Ce serait les photos de la... Comment... Est-ce qu'on peut les voir tout ensemble ou... Ben, là, non, ça m'aide pas, ça. Je voudrais voir... Bon, OK. Attends, on va apparaître. Donc, Klimt avait même été chargé, à la fin du 19e siècle, de réaliser des grandes fresques pour l'université de Vienne, ce haut lieu du rationalisme scientifique libéral. Alors, on peut imaginer la stupeur des professeurs quand, pour représenter la philosophie, Klimt le représentait ça. Donc, en fait, c'est une transposition probablement de la pensée dionysienne de Nietzsche. Ça n'a rien à voir avec la pacification du monde par une raison sereine. Au contraire, c'est tout le tragique de l'alternance de la vie et de la mort dans la vie humaine. Il y avait sur l'arrière-plan de la nuit cosmique qui semble seul donner une façon d'englober ça dans un sentiment tragique de la vie. Donc, rien à voir avec le rationalisme. Donc le vide bouclier de la part des professeurs, kantien et compagnie. Mais quand même, le ministre von Hertel a soutenu Klimt, a imposer la commande malgré ses protestations contre la première des trois toiles présentées. Et c'est quand il a ensuite présenté celle de la médecine, celle de représentant la médecine, que les choses se sont gâtées sur le plan politique, médecine. Bon, on les voit d'ailleurs, en passant, on les voit en noir et blanc, là, parce que, en fait, ces grandes toiles-là se sont retrouvées à la fin de la guerre dans un château autrichien auquel les SS ont mis le feu en l'abandonnant aux Alliés en mai 1945. Donc ces toiles... du plus grand intérêt artistique et même politique et culturel. C'est tout ce qu'il en reste sur ces photos réalisées parfois quelques jours avant, où dans le cas d'une d'entre elles, justement la médecine, il reste les esquisses pour la figure ambiguë de d'IG. Alors les médecins, évidemment, se sont plaints que tout ce que ça représente, c'est l'ambiguïté de la vie et de la mort, comment c'est mêlé et tout ça, avec des figures plus ou moins obscènes de nus féminins. Et il n'y a rien là-dedans sur la prévention et la guérison des maladies. Au contraire, c'est montrer comment le poison et le remède sont qu'un dans le pharmacon, en quelque sorte. C'est symbolisé par la figure d'Igée, la sœur d'Esculape. En fait, je l'ai sur mon téléphone. Même je vous montrerai. C'est enfin. Cette étape-là que la protestation politique a éclaté. Et donc si bien que la dernière. Donc Klimt avait pu obtenir sa nomination comme professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Elle a dû être retirée par le ministère à cause du scandale causé par cette toile. Klimt a fait un peu comme Freud, il a pris sa revanche sur le système, en quelque sorte, en donnant une expression artistique dans son cas, donc avec le tableau, la dernière fresque sur la jurisprudence. Là aussi, c'était une sorte de parodie ou de défi aux idéaux libéraux du droit et de la justice, bon, et de régulation de la société par la raison. Parce que, bon, ce qu'on voit là-dedans, en fait, les figures de la justice sont... Bon, est-ce qu'on peut mettre ça plus grand? Peut-être présentation en haut. Présentation. Voilà. Tout en bas, fichier le mot de panier. Activer le mot de panier. OK. Bon, OK. Donc, les figures, bon, voilà la figure de la loi, l'ex, la justice, c'est ça, des figures allégoriques comme figées, qui n'ont pas l'air très imposantes, là, qui ont l'air tout à fait artificielles. En fait, ce qui est mis au premier plan, c'est plutôt la punition, en fait. Et en fait, la punition castratrice, la figure masculine qui est comme saisie par une grande pieuvre. En fait, ce que montre Klimt, c'est que la justice, en fait, c'est... En fait, bon, alors, je vais revenir au contexte mythologique, là. Donc, je suis plus égaré dans mes références, là. Oui, donc dans la mythologie grecque, la justice est comme s'impose avec Athéna, donc qui je pense qu'on voit au milieu en haut. Je pense que c'est à la fin de l'Orestie, le cycle de pièces de théâtre de... Est-ce que c'est d'Euripide ou des Sophocles? Oui. Donc, qui montre le cycle de vengeance là, hein, bon, qui autour de la famille des Atrides, là, comme dans la logique matriarcale clanique, bon, tout crime appelle la vendetta de la partie adverse avec ses propres dieux, etc. C'est ce que nous montre comment les Grecs se représentaient leur propre antiquité. C'est toute cette impasse de la logique de vendetta entre les clans et leurs dieux respectifs. Et ce qui se passe, c'est cette résolution qui arrive à la fois avec la mise en scène de la tragédie et l'instauration de la démocratie, c'est que Athéna arrive à maîtriser les furies en les mettant au service de la justice humaine, en quelque sorte. Donc, on passe d'une logique nomade de clans affrontés à une logique de cité établie où les impulsions agressives sont mises sous l'emprise de l'institution et de la raison grâce à Athéna. Mais c'est quand même les furies. Et elle se concilie les furies en leur disant, bon, d'accord, mais vous allez punir celles que ceux que la justice choisit rationnellement par le consensus des sages de vous soumettre, plutôt que de régir le cycle infernal des offenses et des vengeances, etc. Alors, en fait, Klimt inverse cela, il met les furies à l'arrière-plan et il montre qu'en fait, la justice rationnelle, c'est une autre forme des réflexes sacrificiels régis par les furies. Et donc, lui-même se ressent comme une victime de ce ressentiment social, de quelque chose à quoi il refuse de glorifier comme le triomphe de la raison. Et en fait, il montre que la société sous ses dehors de justice sereine et de rationalité est régie par les instincts obscurs de l'agression et des forces mêmes, qui à la fois relèvent de la sexualité et de la castration, avec ce poulpe qui réduit à l'impuissance la figure masculine. Et là aussi, donc... Et selon Schorske, ça montre que... En fait... Klimt aurait pu reprendre la même devise que... Il faut que je retrouve son passage. Oui, donc... Donc, ici, je vais citer Schorske. Le sujet de la peinture... En fait, je vais revenir à une sorte de digression. Pour moi, ça me rappelle un peu, Kafka. Hein? C'est aussi dans le même empire. Hein? Puis la figure très lointaine du droit... qui est comme un peu absurde, et en fait, ce à quoi l'être humain a concrètement affaire, c'est les forces obscures qui régissent même la bureaucratie, même la vie sociale. C'est ça qui est au premier plan chez Kafka, alors que ce qui est censé comme justifier ou dominer tout ça, comme dans le lointain, le fait de donner sa caution à ces forces obscures. C'est un peu ça que moi j'entrevois dans cette représentation de la justice. Donc pour Schorske, le sujet, le droit lui-même, cet élément le plus vénéré de la culture libérale autrichienne, se prêtait donc à cette volonté qu'avait Klimt de faire une affirmation subversive. Schorske, ça lui rappelle l'esprit semblablement contre-politique ou anti-politique avec lequel Freud avait investi ses révélations sur le monde de l'instinct dans l'interprétation des rêves. Klimt aurait très bien pu s'approprier pour lui-même, pour la jurisprudence, l'épigraphe menaçante tirée de l'Énéide que Freud avait mis en tête de l'interprétation des rêves. Flecteris iniqueo superos acheronta movebo. Si je ne peux pas faire plier les puissances supérieures, qu'on voit même sur le registre supérieur de la peinture, je vais agiter les enfers. C'est littéralement ça qu'on voit. Et en fait, c'est comme une illustration de la manœuvre que fait Freud exactement à la même époque et liée à ses propres tentatives pour obtenir son propre professeur. Ça a marché pour Freud grâce à ses connexions quand même, alors que lui-même était complètement étranger au domaine de l'art moderne. C'est quand même grâce à ça qu'il a obtenu son poste de professeur et donc son statut scientifique. Et ironiquement, pour Klimt, ça n'a pas marché parce que c'était trop avancé en quelque sorte dans son défi ouvert aux prétentions de la raison, même pour les forces irrationnelles qui se déchaînaient sur le plan politique, que ça il en aurait senti le contre-coup, et c'est comme retrouvé dans cette position. Et ça vaut la peine qu'on s'y attarde, ça peut sembler indirect. quel est le statut de la raison et de l'irrationnel dans tout ça? Ben le destin de Klimt au cours de la décennie suivante et puis de certains des autres artistes permet de l'illustrer, parce que d'un côté, bon, il a fait faire cette espèce de défi. Bon, tout ça, évidemment, vers 1905, il a fait des pieds et des mains grâce à ses mécènes pour racheter ses peintures. Là, il voulait vraiment sortir de tout ça. Il n'y a rien à voir à faire avec les commandes d'État. Donc, il y a un élément de défi et de frustration, etc. Mais en même temps, le pendant de ça, alors que tout l'effort de la sécession, ça avait été de sortir de ce carcan des formes historicistes qu'avait imposé la culture libérale, par exemple à l'architecture de la Ringstrasse, bon, tout ça, ce carcan rationaliste sous des formes historiques tirées du répertoire de la Renaissance, de l'Antiquité, etc. C'est contre ça que la sécession artistique s'était révoltée pour faire sa place à l'instinct ou aux forces vitales sous l'influence de Nietzsche, Wagner, Schopenhauer. Donc c'est ça, la culture artistique qui pouvait coexister dans les mêmes personnes, hein, dans la culture bourgeoise, libéral ou progressiste, on pouvait être rationaliste en politique et plus ou moins nietzschéen ou wagnérien dans ses goûts artistiques. Alors, la sécession consistait à mettre de l'avant tout ce vitalisme de la subjectivité libérée des contraintes soit traditionnelles, religieuses ou rationalistes. Libéral. Mais ça pouvait aller seulement dans le contexte politique, ça pouvait aller seulement jusqu'à un certain point. Donc la réaction face à ce butoir, en quelque sorte, dans la réalité politique sociale, c'était pas seulement cette espèce de défi qui n'a pas vraiment marché, mais c'est aussi le refuge dans une intériorité idéalisée, en quelque sorte, parce qu'en même à côté de sa grande toile sur la justice, Klimt a contribué à la frise Beethoven pour le pavillon de la sécession qui existe encore. C'était censé être une exposition temporaire autour d'une sculpture de représentant Beethoven par Max Klinger. Bon, on voit un peu ce qu'était l'installation d'origine, juste dans un coin là. Les fresques de Klimt ont pu être sauvées, puis on les... Ah, c'est dommage qu'on ne voit plus rien, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on les voyait défiler tout à l'heure. Ils reprennent un peu certaines des données de la justice. Ils reprennent l'interprétation par Wagner de la 9e de Beethoven. Où un héros artistique va défier les puissances obscures. De l'avarice, la gourmandise, etc., avec le monstre Typhon, qui est un être migoré, mi-serpent, toutes ces forces obscures, en fait, l'esprit esthétique de la culture comme survole ça, passe au travers et triomphe de l'autre côté. Et là, ça, c'est censé correspondre à la fin triomphale de la 9e de Beethoven, là, son cœur, tous les hommes deviennent frères, etc., l'hymne à la joie. Alors, en fait, la version, et c'est tout à fait politique dans le texte de Schiller, hein, c'est la proclamation révolutionnaire de la fraternité universelle. Et donc, la façon dont ça s'est avec une sorte de « j'embrasse le monde entier », c'est ce que ça dit dans le texte, et comment... Klimt transpose ça, ben c'est l'étreinte qui présuppose, qui, pré, qui, pré, préfigure son fameux tableau, le baiser. Un homme et une femme enlacés, et là, c'est dans une sorte de figure où le couple est comme une sorte de figure phallique au milieu d'une figure d'une forme matricielle. Donc, cette idée d'une sorte de refuge dans la vie privée, dans un monde intérieur, et bon, la façon dont le pavillon de la sécession et de l'exposition Beethoven était conçu, c'était comme un espace intérieur matriciel en quelque sorte. Et c'est devenu une caractéristique de la culture d'avant-garde viennoise, donc de 1900 à 1908. C'est que on va voir ça dans la phase comme byzantine de l'œuvre de Klimt. Il fait un voyage à Ravenne en 1903. Il est très marqué par les mosaïques du 6e siècle, donc par tout l'univers de Byzance. Donc il prend l'autre extrémité de. Alors que la session avait été comme inspirée au départ par les mythes grecs les plus archaïques. Klimt fait le saut vers la fin de la civilisation hellénique ou hellénistique dans cette transposition chrétienne, hiératique, dans les mosaïques d'église. Et il applique ça dans un registre sensuel, dans ses fameux portraits de grandes bourgeoises, généralement juives, cultivées. Dont on raffole aujourd'hui, où on voit les ben justement, si je pouvais retrouver l'accès, je les ai dans mon livre, je vais les montrer comme ça, j'ai tout ça dans les... on voit toute cette évolution ici dans les... Non, c'est ça. Bon, ça, c'est vraiment cette période classique de portraits de grandes bourgeoises juives, où ces modèles sont complètement intégrés à leur environnement. Oui, la sécession avait été l'idée un peu reprise par le ministère de la Culture de faire de l'Autriche une sorte de peuple artistique. Mais là, c'est plus du tout une visée sociale. C'est dans certains secteurs très précis de la société où des amateurs éclairés peuvent se créer des intérieurs où tous les éléments, le mobilier, la décoration prennent un caractère artistique. Et où les œuvres d'art elles-mêmes prennent un caractère décoratif. Donc, c'est créer cette espèce d'œuvre d'art totale dans un monde intérieur privé. Un peu une démarche parallèle à Freud, donc ce repli du social et du politique vers le monde privé. Dans une idée d'intégration, dans ce cas-ci, dans le cas de Klimt, à ce moment-là, donc la vie instinctive et de la vie pratique en quelque sorte par une esthétisation tous azimuts. Et bon, et précisément il y a un contre-coup à ça qui parce que ça culmine dans une autre exposition en l'honneur du jubilé de l'empereur François Joseph en 1908, la Kunstschau. Donc, c'est comme l'apogée de ce moment-là de la culture esthétique autrichienne. Mais il y a déjà l'ébauche d'une protestation chez des jeunes comme Oskar Kokoschka, et c'est les débuts de l'expressionnisme en quelque sorte, parce que... c'est à cette occasion, en fait en 1909, mais dans les mêmes locaux, que le jeune peintre... Qu'est-ce que ça va faire? Rien. C'est les Alpes. Oscar Kokoschka, donc, présente une pièce de son cru, il s'appelle Meurtrier, espoir des femmes. Et l'affiche est souvent vue comme le coup d'enfoi de l'expressionnisme en art. Donc, c'est l'illustration. Un homme rouge dans les bras d'une femme. Et puis, en fait, il y a une sorte d'identification de l'éros avec l'agression, l'éros avec Thanatos, dans cette jeune génération expressionniste que représente Kokoschka. Et c'est très intéressant que c'est une contestation de cette esthétisation décorative qui peut très facilement trouver un appui officiel. Ce qui est intéressant, c'est que Kokoschka trouve comme soutien, comme mentor, un designer et architecte de 25 ans, son aîné, Adolf Loos, dont il fait même le portrait. Et ce qui est très ironique, c'est que Adolf Loos, c'est le fondateur, c'est celui qui énonce très clairement l'idéal fonctionnaliste en architecture, que c'est pas la place pour la décoration, les fioritures, les débordements de fantaisie et d'émotion. Au contraire, l'intérieur et l'architecture sont foncièrement conservateurs, limités à des considérations techniques, utilitaires, doivent pas être cachés comme dans l'historicisme libéral, ils doivent être, la fonction doit être tout ce qu'on voit, et c'est ça le seul intérêt, les murs doivent être blancs, et tout ça. Mais c'est l'architecture qui n'a rien à voir avec l'art, l'art c'est autre chose, c'est le domaine d'expression subjective que représente quelqu'un comme Kokoschka. Donc, sur ces murs blancs, on voit ces expressions tourmentées de la vie instinctive débridée. Donc, il y a cette dichotomie, après la tentative de fusion, il y a cette scission en quelque sorte entre l'intériorité pulsionnelle et le cadre rationnel, en fait, technologique, qui est une sorte d'aboutissement de certaines tensions à l'intérieur de la culture libérale autrichienne, d'un côté, une culture du droit, de la raison, de la science, et de l'autre côté, une sorte de culture de la gratuité esthétique. Mais là, une sorte d'exacerbation de la tension de la rivière. Au fond, Freud va représenter une sorte un des pôles de cette équation. D'un côté, on a le monde de la technique qui l'emporte de plus en plus dans un monde, dans une civilisation machinique déshumanisée, alors que l'individu est comme confiné dans une intériorité où les pulsions émergent au grand jour, osent s'exprimer, deviennent déliées de contexte social ou culturel à plus forte raison religieux traditionnel. Donc, c'est cette tension extrême de la modernité qui est venue à s'exprimer, à s'exacerber de façon exemplaire dans le cadre des contradictions de cet empire dynastique pourtant libéral qui a ouvert la porte aux polarités les plus opposées de la modernité telle qu'on la connaît. Sur l'arrière-plan, sur lequel je n'ai pas insisté aujourd'hui, l'invention d'une culture politique de populiste qui est un retour du communautaire ethnique ou social. Avec un ton agressif qui cassait avec la culture polie ou la courtoisie parlementaire libérale du monde bourgeois, donc et qui déjà pouvait avoir avoir des manifestations violentes par des manifestations de rue ou même des attaques de rédactions de journaux, etc., de la part des antisémites, ce genre de choses qu'on commençait à voir. Donc les discours démagogiques et ce qui est intéressant aussi dans le cas de... Est-ce qu'on peut retourner à la... C'est bloqué là ou quoi? C'est... Pourquoi il met Flash Player? C'est... Non, je... Mais qu'est-ce qu'il fabrique là? Qu'est-ce qu'il... Peut-être si on éteignait tout et qu'on recommençait. Oui. Bon, parce que ça, je veux juste montrer quelques photos. C'est très simple. Là, je veux pas de diaporama. Je veux simplement qu'il arrête ce qu'il fait, là, qu'il n'y ait rien à voir. Et puis que je monte un peu mes premières photos, puis parce que je vais conclure là-dessus. Oui, donc, revenir un peu sur... donc Oskar Kokoschka, donc cette première génération d'expressionnistes, à son exposition de 1911 avec d'autres expressionnistes qui ont des contenus très crus, sous une forme très crue, comme Egon Schiele. Donc il avait une exposition en 1911 où soir du vernissage, stupeur, le prince héritier en personne apparaît, donc François Ferdinand. Est-ce que c'est mon truc, ça? Oui. C'est l'éjection du disque, ensuite on pourra le remettre. Bon, maintenant on peut le remettre peut-être. Est-ce qu'il est revenu là? C'est que je n'arrive pas à... Ah oui, on voit même pas le... C'est pour ça. Il n'y a aucun rapport entre le... Peut-être les branchés, le rebranché, c'est anonyme, mais... C'est le contact entre les deux là, que, ouais, qui se fait plus. Même tout ça est bleu là, c'est... Bon. Bon, ok, c'est prometteur. Si on peut juste le mettre plus gros, est-ce que c'est possible? Bon, enfin, je vais essayer de retrouver... Comment on se déplace là-dessus vers le haut? Non, peut-être procéder vers ici. Il se passe rien. Là, tu viens de voir une des photos. Ouais, mais pourquoi il nous la montre pas? Des fois, il faut attendre. Bon, si on allait à la présentation, peut-être. Bon, c'est déjà ça. Bon, ça, j'ai plus besoin de ça. Ça non plus. Bon, comment on se déplace là-dedans pour aller à la prochaine? Bon, qu'est-ce que tu veux atteindre là? Ben, il faut que je voie les photos pour pouvoir choisir la bonne, mais on peut pas. Si je pouvais voir l'ensemble là. Ben oui. En bas, il y a un Attends, c'est ça pour, comme ça pour les grossir. Bon, ok. Puis si on pouvait, on peut pas élargir ça. Le truc vert en haut à droite. Ça. Ouais, ah, ok. Donc on devrait y arriver comme ça. Et puis comment on se déplace ici comme ça. Pourquoi, pourquoi il me le cache? Bon, ok. Oui, ok. Oui, donc, avec des politiciens comme le beau Karl, Karl Lueger, donc, c'est ça, dont l'élection en 1895 était comme le, était très vivement ressentie par, par Freud. Bon, c'est donc un, c'est, représentait une sorte de renouveau catholique, anticapitaliste, et anti-libéral et antisémite. Bon, que l'empereur même a refusé de mettre son élection à la mairie de Vienne en 1895, pendant 2 ans jusqu'en 1897. Donc, mais il a quand même, mais il a quand même eu la mairie de Vienne pendant une bonne décennie ou deux. Il a fait d'importantes réformes. Réformes sociales sur le plan du genre de l'État-providence, le genre de choses qui n'étaient pas vraiment une priorité des libéraux, mais qui allaient de pair avec une sorte de démagogie antisémite. Donc, figure très ambiguë, mais qui ramène sa statue et ça, des rues à son nom, une rue à son nom à Vienne aujourd'hui. Donc, c'est toute l'ambiguïté de ces années-là. Le jeune Hitler qui est très impressionné par justement le néoclassicisme des édifices de la Ringstrasse était néanmoins complètement rejeté par le monde artistique, mais évidemment il aura sa revanche plus tard. Il était influencé par un autre antisémite, mais vraiment plus systématique, le nationaliste Georg von Schönerer, qui aussi émergé à cette époque-là. Mais sur le plan électoral, Lueger, à cette époque, a eu plus de succès. Mais il symbolise en quelque sorte la défaite politique du projet libéral à ce moment-là. Donc, j'avais commencé à parler de... Oui, de je suis sur le point de conclure. Ça va prendre peut-être moins de 5 minutes. Oui, donc... Pour souligner les ironies de cette époque, donc oui, donc en 95, donc l'empereur François Joseph a refusé d'admettre l'élection de cet antisémite et Freud, ce vieux républicain, je pense que je pense qu'a ouvert une bouteille de champagne en l'honneur de l'empereur qui avait barré la route au populisme antisémite. Et bon, c'est genre d'ironie de ce rôle de l'empereur dans ce contexte qui pouvait parfois barrer la route à certains des pires excès de ce nouvel antilibéralisme. Donc, un autre exemple, plus tard, donc, le prince héritier François Ferdinand visite l'expo de Kokoschka, puis il est comme scandalisé, des cochonneries, cet homme-là, on devrait lui casser tous les os, etc. Il fait interdire l'exposition, mais l'empereur, François Joseph, empêche cela. C'est lui qui permet, ironiquement, que l'exposition de Kokoschka, l'expressionniste iconoclaste, ne soit pas censurée. Bon, comment je me déplace là-dedans, là? Bon, ça, je n'ai pas besoin. Bon. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bon, où est mon dossier là-dedans? Je le vois plus. Si c'est en bas, je pense que c'est la poubelle. En bas à droite. À côté de la poubelle? Ouais, je pense. Je sais pas, mais non. Non. Ben, comment même ça? En sable. Échappe. Ouais, c'est tout en haut là, complètement à gauche. En haut. Ça? Ouais. Ça a l'air de pouvoir, ça, ça. Bon. Ça, c'est dans le Finder, peut-être à l'autre, complètement en bas. Ouais, ça. Bon! Ok. Oui, alors c'est ça, je voulais revenir donc à un des chefs-d'œuvre architecturaux de cette époque, qui est. L'édifice de la caisse d'épargne postale par Otto Wagner, donc terminé en 1908. Est-ce qu'on voit voir l'intérieur? Bon, là aussi. Bon, on le voit au fond, mais devant, il y a la statue du fondateur de la caisse d'épargne, Georg Koch. Il faut comprendre que c'est un peu comme les caisses populaires ici. Une telle démarche, c'est quelque chose d'inspiration comme chrétienne sociale qui voulait une façon de défaire sur son propre terrain le monopole de la finance capitaliste juive. Hein. Donc, c'est devenu institutionnalisé, ça faisait quand même partie d'une sorte de mouvement anti-libéral, le fait d'avoir quelque chose comme une caisse populaire, quelque sorte, plutôt que les banques. En tout cas, ça donnait l'occasion de cette commande officielle. Pas de ça non plus. Le viewer, c'est ça? C'est ça? Finder. Je voulais voir l'intérieur aussi. Ouais, mais c'est comme le complexe des jardins, en quelque sorte. Hein. C'est le siège social. Donc, c'est sûr que c'était de prestige, mais avec tout le prestige et plus hautes instances impériales. Donc, avec... comment est-ce qu'on... il faut les agrandir individuellement. On ne peut pas faire une succession. Oh! Seigneur! En tapant direct dessus, ça marche. Je vais juste me déplacer à la prochaine et voir en succession. Ça revient à gauche, à extrême gauche. Ça? Extrême gauche. Ça? Oui. Bon, OK. Bon, avec le buste de l'empereur dans l'entrée. Donc, sous... Regardez la caisse. C'est ça. Quoi? Vous êtes combien? Donc, sous le gouvernement de Sa Majesté impériale et royale apostolique François-Joseph Ier, donc les titres autrichiens et hongrois, construit par Otto Wagner 1904-1906. Donc, ça, c'est toujours comme... Oui. Non, avec les cabines téléphoniques d'époque, l'attention, cette attention extrême à tous les éléments de décoratifs, et tout ça, c'est très très majestueux, en même temps très fonctionnel, en même temps très élégant. Bon, c'est en fait pour moi, donc un tel édifice, d'une telle modernité, mais maintenant avec tout la splendeur du patronage impérial, et en même temps tout l'ascendant anti-libéral, mais en même temps qui est une avancée sociale. C'est une sorte de condensé des contradictions, des tensions de cet univers-là, post-libéral, en gros, où on, comme le dit Robert Musil, dans ces années-là, on a l'impression de quelque chose de statique, mais en fait, ça se déplaçait, c'était en mouvement continuel, mais pas dans un sens que les libéraux pouvaient comprendre. C'était à la fois vers l'arrière et vers l'avant, sans qu'on puisse vraiment démêler qu'est-ce qu'elle est, dans quelle direction. Donc, j'ai comme ébauché certaines de ces tensions-là, on échappe complètement à une sorte de récit linéaire de l'histoire du point de vue des Lumières, quoi, du point de vue de la tradition, l'archaïque et l'avant-garde se rejoignent, le libéral et le traditionnel font alliance. Et bon, et c'est dans cet univers-là que... donc l'exploration scientifique de la vie intérieure peut trouver droit de cité intellectuellement. Bon, mais quand même, les artistes ont devancé. Donc, quand j'ai parlé de l'opposition d'expressionnisme subjectif et du fonctionnalisme rationnel, c'est un peu comme le contraste entre le principe de plaisir, le principe de réalité. C'est ces tensions, ces scissions à l'intérieur de la psyché moderne qui, en fait, s'expriment plus clairement encore dans le domaine artistique et culturel que dans le domaine théorique et clinique. Que Freud commence à formaliser dans cette époque-là, mais qui doit être vu comme une des expressions, une des manifestations seulement d'une mutation culturelle, une sorte de sortie et à la fois d'exacerbation de la modernité dans l'empire austro-hongrois en sa dernière décennie. Merci. Donc, j'aurais pris 2 heures, c'est ça? Okay. Donc, vous allez faire un peu de clinique, là? Ou... C'est ça, j'aurais voulu qu'on prenne le temps de quelques questions. Mm-hmm. Okay. Dans cette deuxième partie? Peut-être, oui. On peut prendre 10-15 minutes de repos et puis on peut faire une période de questions qui mm-hmm. serait suivie par une période clinique. Période clinique. Je ne sais pas d'où ça sort ce bruit. Ah, ça, ce bruit, c'est moi. C'est mon téléphone. Je ne sais pas comment le faire taire. Moi, c'est pas seulement les Apple qui me rendent perplexe. Et justement, chaque fois que quelqu'un met quelque chose sur mon Facebook, ça m'avertit. Oui. Je ne sais pas comment le faire taire. Mais enlever le son, peut-être. J'ai essayé ça. Peut-être essayer à nouveau. Peut-être qu'avec votre aide, je vais y réussir. Je vais barrer en haut le son. Je ne vois pas. Il n'y a rien qui... Je vais aller dans paramètres. Moi, c'est là que j'irai. Mais son, sonnerie du téléphone, mode vibrant, mode silencieux, c'est pas ça. Tonalité de notification par défaut, aucune. Son des touches... Ça ne donne pas l'option de faire taire ces avertissements. C'est caché ailleurs. Ça se peut. Parce qu'il y a plein de problèmes de coupe à cause de ces cellulaires-là. Les gens me disent, hey, tu sais, je reçois des emails, là, mon chum le sait, parce que là, on entend le bruit quand ça rentre. ça vient bouleverser les couples et les nuits. Ça peut réveiller, ça peut... Ben oui, je... Je sais pas par quoi on contrôle ça. C'est... En fait, c'est conçu pour qu'on devienne esclave de nos emails. C'est de vrai, nos... ça. Ouais. Ça, c'est ici, par exemple. Mais le téléphone... Et ça l'annule complètement. Mais est-ce que le téléphone va sonner? Moi, je ne veux pas qu'il annule le... Si on le met en vibreur, ça ne sonne pas, mais ça fait... Ben oui,